Bismillahirrahmanirrahim. İza vaqa'atil vaqi'ah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand l'événement, le jugement arrivera, laysa liwaqa'atiha kadhiba. Nul ne traitera sa venue de mensonge. Khafidatun rafi'ah. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Idha rujjatil ardu rajja. Quand la terre sera secouée violemment. Wa bussatil jibalu bassa. Et les montagnes seront réduites en miettes. Fakanat haba'an munbatha. Et qu'elles deviendront poussières éparpillées. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. Alors, vous serez trois catégories. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. في جنات النعيم. Dans les jardins des délices. ثلة من الأولين. Une multitude d'élus parmi les premières générations. وقليل من الآخرين. Et un petit nombre parmi les dernières générations. على سرر موضونة. Sur des lits ornés d'or et de pierreries. Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin. S'y accoudant et se faisant face. Yatoufu 'alayhim wildan mukhalladun. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Bi'akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source. La yusadda'un 'anha wa la yunzifun. Qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement. Wa fakihatin min et des fruits de leur choix. Et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront. Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux. Pareil à des perles en coquille. En récompense pour ce qu'ils faisaient. La yasma'ouna fiha lagwan wa la ta'thima. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème. Illa qilan salaman salama. Mais seulement les propos salam, salam, paix, paix. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Fi sidrin makhdud. Ils seront parmi des jujubiers sans épines. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ. Et parmi des bananiers au régime bien fourni. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ. dans une ombre étendue. Près d'une eau coulant continuellement. Et des fruits abondants. Ni interrompu, ni défendu. Sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection. Et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières générations, et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante. À l'ombre d'une fumée noire. La baride wa la karim. Ni fraîche, ni douce. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Ils vivaient auparavant dans le luxe. Wa kanu yusirruna 'ala al-hinthi al-'azim. Ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Et disaient, quand nous mourrons et serons poussières et ossements, serons-nous ressuscités? أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. Ainsi que nos anciens ancêtres. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. Dis, en vérité, les premiers et les derniers. لَمَجَمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. Seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا Et puis vous, les égarés qui traitiez la résurrection de mensonge, vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum. Vous vous en remplirez le ventre. فشاربون عليه من الحميم. Puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. فشاربون شرب الهيم. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. هذا نزلهم يوم الدين. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. C'est nous qui vous avons créé. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection? أفرأيتم ما تمنون. Voyez-vous donc ce que vous éjaculez? أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Est-ce vous qui le créez ou en sommes-nous le créateur? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. De vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Vous avez connu la première création, ne vous rappelez-vous donc pas? أفرأيتم ما تحرثون. Voyez-vous donc ce que vous labourez? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Est-ce vous qui le cultivez ou en sommes-nous le cultivateur? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Si nous voulions, nous le réduirions en débris. Et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier. إنا لمغرمون. Nous voilà endettés. بل نحن محرومون. Ou plutôt exposés aux privations. أفرأيتم الماء الذي تشربون. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage, ou en sommes-nous le descendeur? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? أفرأيتم النار التي تورون. Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Est-ce vous qui avez créé son arbre ou en sommes-nous le créateur? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Nous en avons fait un rappel de l'enfer et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. فسبح باسم ربك العظيم. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le très grand. فلا أقسم بمواقع النجوم. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. Et c'est certainement un Coran noble. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ. Dans un livre bien gardé. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. Que seuls les purifiés touchent. Tanzilun min rabbil alamin. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Afa bihadha alhadith antum mudahinun. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? فلولا إذا بلغت الحلقوم. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ Et qu'à ce moment-là vous regardez. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبَصِرُونَ Et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique ? فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ Alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ Et s'il est du nombre des gens de la droite, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ Il sera accueilli par ces mots, « Paix à toi de la part des gens de la droite. » وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ Alors il sera installé dans une eau bouillante, وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ Et il brûlera dans la fournaise, إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ C'est cela la pleine certitude. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Glorifie, donc, le nom de ton Seigneur, le Très Grand.